Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 juillet 2020. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. Une association locale d'assistance et de formation juridique apprécie bien le discours du président de la République annonçant des mesures sévères contre les magistrats corrompus. Et les sièges des véhicules assurant le transport en commun ne sont toujours pas désinfectés malgré la recommandation du ministre de la Santé. Et ce manquement constitue un handicap à la lutte contre le Covid-19. Alors que l'on s'achemine vers les élections collinaires en août prochain, nous revenons dans ce journal sur les dispositions du code électoral en ce qui concerne le statut du candidat à ce scrutin. Et dans la chronique Parle et rassure-moi, un expert nous parlera du discours rassembleur. Rebonjour. Cette date du 22 juillet reste une date noire pour le monde médiatique burundais et particulièrement pour nos confrères du groupe de presse Iwachu. En effet, 4 ans déjà sans trace de notre confrère Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu, sa famille biologique ainsi que la famille des journalistes demandent toujours la justice de faire la lumière sur cette disparition. Le 22 octobre 2019, 22 juillet 2020, encore une fois, 10 mois d'emprisonnement de nos confrères du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Jide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre 2019 dans la commune Musigati en province Bubanza alors qu'ils étaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait dans cette localité. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a accusés de complicité à l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'association assistance et formation juridique du citoyen AFJC Berinahe apprécie positivement l'allocution du président de la République se rapportant sur les sanctions prévues contre les magistrats facilement corruptibles. Selon Veniste Mouyabaga, représentant légal de cette association, cela favorisera l'impartialité de la justice, il le dit, après la rencontre du président de la République avec le conseil supérieur de la magistrature. Suivez Veniste Mouyabaga au micro de Jean-Marie Mayonga. Cela nous encourage beaucoup parce que dans tous les secteurs, la situation va s'assainir parce que la justice, c'est le pilier d'un état de droit. On ne peut pas promouvoir un état de droit alors que la justice est piétine. Cette mise en garde, cette nouvelle orientation va dans le sens d'encourager, va dans le sens de mettre en garde tous les juges qui doivent être dire le droit et rien que le droit. Si le juge dit le droit, on ne va pas entendre ces corruptions, on ne va pas entendre ces cas de déni de justice, on ne va pas entendre de se mal juger. Donc, s'il y a des cas isolés, son Excellence Monsieur le Président de la République a promis que le Conseil supérieur de magistrature va statuer sur le cas après saisine du citoyen qui est lésé ou de l'ombudsman qui peut saisir aussi cette instance, le Conseil supérieur de magistrature. Aussi, il a rassuré même les juges qui se sentiraient mal à l'aise, qui se sentiraient dans une situation inconfortable avec les dirigeants, les chefs hiérarchiques. Aussi, ces magistrats aussi peuvent saisir cette instance. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'excuse. S'il tranche un dossier en disant qu'il y a quelqu'un qui est derrière, ça veut dire que le Conseil supérieur de magistrature va revoir ses décisions inopportunes. Nous remercions son Excellence Monsieur le Président de la République de cet éclaircissement sur comment la justice doit être organisée, la justice doit fonctionner à l'intérêt de tout citoyen burundais ou citoyen résident au Burundi. Et plus de 1000 pagnes entrées illégalement sur le territoire burundais ont été saisies par le commissariat provincial de la police de Cibitoke au cours de ces deux derniers mois. Le commissaire provincial de la police à Cibitoke précise que ces fraudeurs en provenance de la commune Rugombo ont été interceptés au niveau de la route nationale numéro 5. Dorera Robonfort affirme que ces derniers recourent à des enfants à qui ils font porter des sacs à dos contenant ces pagnes pour tromper la vigilance des agents de la police, prétextant que ces enfants vont en vacances. Le commissaire Ndoreraho demande aux administratifs à la base de s'impliquer dans la dénonciation des fraudeurs en regrettant que personne parmi eux ne l'a jamais fait jusqu'ici. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karem Bizoza, prévient tout administratif à la base contre ce qu'il pourra considérer comme de la complicité à sanctionner si des marchandises frauduleusement entrées et non signalées sont saisies sur sa colline. Et toujours en bref à Cibitoke, 5 ressortissants de la République démocratique du Congo, dont 3 enfants et leurs parents, ont été arrêtés dans la localité de Nyamitanga, en commune Buganda, ce mardi, alors qu'ils traversaient la Rusizi en direction du Burundi. Le commissaire provincial de la police à Cibitoke indique qu'ils vont être placés en quarantaine puis reconduits dans leur pays d'origine. Une courte pause et c'est pour annoncer la chronique qui habituellement est annoncée à la fin de ce journal, mais une fois n'est pas coutume. Parle, rassure-moi. Et dans la chronique « Parle et rassure-moi » d'aujourd'hui, nous parlons du discours rassembleur. Il s'agit d'un discours qui prend compte de toutes les tendances des membres d'une communauté quand un leader est appelé à gérer, selon Ignace Niyonzima, coordinateur du collectif pour la promotion des associations des jeunes. Il dit en outre que ce genre de discours est valable aussi bien en période de paix qu'en période de tension pour calmer la situation. Oben Yonguru. Le discours rassembleur est un discours qui unit ou à travers lequel chaque groupe dans une communauté se sent inclus. Ignace Niyonzima. C'est un discours exempt de tout penchant qui vise à rassurer tout le monde de façon à ce qu'ils se sentent tous rassurés, confiants et sécurisés. Alors, je peux donner un exemple simple. C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Quand il est sorti de prison, il a prôné un discours rassembleur entre blancs et noirs. D'ailleurs, à la surprise de tout le monde, puisque surtout la communauté blanche croyait que à sa sortie, il allait se venger probablement, mais ils ont été surpris par son discours qui était plus rassembleur qu'on ne le croyait pas. Ce coordinateur du collectif CPAJ indique que ce genre de discours joue un rôle important dans la prévention des conflits de masse d'une part, mais aussi qu'il renforce la cohésion sociale d'autre part. Il permet de renforcer la paix, la cohésion sociale entre les membres d'une communauté, et cela permet alors un développement économique de cette communauté, un développement durable si vous voulez. Alors, ce genre de discours a un grand rôle dans la prévention des violences de masse, car généralement les membres d'une communauté suivent les directives de leur leader. Quand c'est une communauté, par exemple, qui est au bord de violences de masse, le discours rassembleur permet d'apaiser les tensions et ainsi éviter l'éclatement de ces violences. Je pourrais donner l'exemple du roi Mwambutsa. Quand le prince Louis Bwagasore a été assassiné, il a dit « Que ceux qui veulent venger la mort de mon fils ne versent pas le sang ». Ça a été un discours très important qui a apaisé les tensions parce que s'il n'avait pas utilisé ce discours, probablement il allait y avoir des casses. Dans quelles circonstances ce genre de discours est-il nécessaire? La réponse est qu'il est valable en toutes circonstances. Encore une fois, Ignace Niyonzima. Ce discours, normalement, est nécessaire dans toutes les circonstances, que ce soit en période de paix ou en période de tension. Mais beaucoup plus en période de tension, c'est là où ça permet de prévenir et d'apaiser. Mais sinon, ce discours est vraiment souhaité, sollicité dans toutes les périodes, en temps normal ou en temps de crise. Il en appelle à tous les leaders de toujours utiliser un discours qui rassure tout le monde. Merci, Oben Niyonguru. Et certains candidats aux élections collinaires prochaines qui ont déposé leur dossier à la commission électorale communale indépendante de Nahangwa, en mairie de Bujumbura, se sont vus retirer de la liste des candidats et sans raison valable selon eux. Ils disent qu'ils ont rempli toutes les conditions exigées pour être éligibles à ces postes et ne comprennent pas les raisons qui ont poussé la commission électorale communale indépendante de les retirer des listes de candidats. Ils ajoutent qu'ils ont déposé leur recours auprès de la CPI, la commission électorale au niveau provincial de Bujumbura en mairie et qu'ils attendent qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Écoutez-les. Je suis natif de Mubone. J'étais sur la liste de ceux qui devraient se faire élire, mais j'ai été surpris d'avoir été rayé sur la liste. Nous avons fait recours au niveau de la CPI. Nous attendons que nous soyons rétablis dans nos droits. Que ce soit ceux de Kinama ou de Mirango, nous nous sommes mis ensemble pour voir s'il y avait erreur sur nos documents d'inscription aux élections collinaires. Aucun document ne manquait. On nous a demandé la carte nationale d'identité. En deuxième lieu, la carte d'électeur n'offusquait ça. Après, on nous a donné un document à remplir et on l'a fait convenablement. Il faut que nous soyons rétablis dans nos droits et laisser la population élire leur chef de quartier et les 5 membres qui composent le conseil collinaire. Et ces candidats aux élections collinaires ont été traduits par Évariste Nzikobanyanga, contacté à ce propos. Terence Bizimana, président de la commission électorale provinciale indépendante, CEPI, à mairie de Bujumbura, dit que ceux qui ont fait des recours vont être rétablis dans leurs droits s'il s'avère que leurs dossiers sont complets. Et le conseil de colline ou de quartier est composé de 5 personnes élues au suffrage universel direct dans la localité. Comme stipulé par le code électoral et la loi portant organisation de l'administration communale, ces conseillers collinaires ne sont pas élus sur base des listes des partis politiques, mais se portent candidats plutôt à titre indépendant. Ce dernier doit aussi jouir d'une intégrité irréprochable dans l'entourage comme prévu par l'article 172 du code électoral. Kalu Eli Nibel Nibigira. À part la moralité et l'intégrité dans l'entourage, le membre du conseil de colline ou de quartier doit être de nationalité burundaise, qui est légalement domicilié sur la colline ou au quartier. Enfin, il faut détenir la carte d'électeur ou être enrôlé comme électeur. L'article 177 du code électoral précise que sont proclamés élus 5 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de voix, c'est le plus âgé qui est élevé au conseil collinaire ou de quartier s'ils sont de même sexe. Au cas contraire, c'est la personne du sexe moins représenté qui est élue. Ainsi, c'est le candidat ayant obtenu le plus de voix qui devient chef collinaire. Les membres du conseil collinaire ou de quartier sont élus pour un mandat de 5 ans. Toutefois, leur mandat peut prendre fin en cas de décès, de démission de fautes graves qui causent leur destitution, mais après délibération du conseil communal, prévoit la 179e disposition du code électoral. Entre autres missions du conseiller collinaire ou de quartier, prévues par la loi communale, c'est d'assurer sur la colline ou au sein du quartier l'arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Il y suit également, au nom de la population, la gestion des affaires de la colline ou du quartier. Le chef collinaire ou de quartier, de même que d'autres membres du conseil de colline ou de quartier, perçoivent une indemnité exemptée d'impôts à charge de la commune. Merci Nibel pour ce rappel. Parlons maintenant des finances publiques. La dette publique intérieure augmente d'année en année depuis 2014. Elle est passée de plus de 700 milliards à plus de 2300 milliards de francs burundais au premier trimestre de 2020. La loi des finances de chaque année précise les modalités de gestion de sa trésorerie dans le but de faire face au décalage entre les recettes et les dépenses. Compte rendu de lecture avec Mireille Kanyang. La dette publique est constituée de la dette publique intérieure et celle extérieure. La dette publique intérieure est contractée à la Banque centrale et les établissements financiers. Selon les données de la BRB sur la dette publique intérieure en 2014, elle était de plus de 700 milliards, passant à plus de 1070 milliards en 2015. L'année suivante, 2016, la dette publique intérieure était de plus de 1300 milliards. En 2017, elle était de plus de 1600 milliards et elle est passée à plus de 1900 milliards de francs burundais en 2018. Pour passer à plus de 2300 milliards en 2019. Au premier trimestre de cette année, la dette publique intérieure est de plus de 2400 milliards selon toujours les statistiques de la Banque centrale. Pour cette dette publique intérieure, les articles 12 et 13 de la loi des finances, exercice 2019-2020, 2020-2021, précisent que pour faire face aux éventuels décalages en cours d'exercice entre les recettes et les dépenses de l'État, le ministre des Finances est autorisé à émettre des titres du Trésor et de recourir en dernier lieu aux avances de la BRB. Et ceci a des conséquences selon l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, qui propose entre autres stratégies de réduction de la dette publique, une politique de stimulation des investisseurs étrangers et le rapatriement des fonds qui seraient logés dans les banques étrangères. Merci Mireille Kanyangé. Je vous l'avais dit dans les titres, les sièges des véhicules assurant le transport en commun ne sont toujours pas désinfectés malgré la recommandation du ministre de la Santé. Et ce manquement constitue un handicap à la lutte contre le Covid-19. Et selon certains chauffeurs qui se sont exprimés à nos micros, les désinfectants restent chers, raison pour laquelle ils ne se contentent que du lavage des mains avec du savon. C'est un reportage de Sylvie Boukouto, stagiaire à notre station. Dans les parkings de bus en destination du sud de la capitale, les passagers respectent le lavage de mains avec du savon. Certains des chauffeurs de bus disent ne pas avoir l'idée sur la recommandation du ministère de la Santé. Même si nous sommes des représentants des autres dans le domaine du transport, nous avons nos véhicules. Je ne sais pas si nous allons utiliser tout le versement qu'on a eu par jour pour acheter des désinfectants. Nous demandons au ministère de la Santé publique de nous appuyer, sinon pour nous, ce n'est pas facile de trouver ces désinfectants car c'est trop cher. Quatre passagers qui se sont exprimés à nos micros disent qu'il leur sont difficiles de savoir si les sièges ont été désinfectés ou pas. Celui-ci, responsable d'un des parkings de bus du nord de la capitale de Bujumbura, demande l'intervention de tout un chacun pour combattre la pandémie du Covid-19. La Croix-Rouge nous a beaucoup aidés, mais nous avons essayé de faire le mieux que nous pouvons. Nous demandons une aide des désinfectants pour lutter contre cette pandémie. Également, d'autres organisations comme les églises peuvent venir aussi en aide si possible. Passagers et ceux qui font le transport en commun affirment qu'une fois la recommandation du ministère de la Santé mise en application, sera un pas de plus dans la lutte contre le Covid-19. Sylvie Boukouto, stagiaire à notre station au sein de l'association des transporteurs en commun à Traboul, on déclare être en train de faire un inventaire des besoins pour la mise en application de cette mesure. Et on termine ce journal par ce reportage sur les enfants en situation de rue que l'on observe toujours dans la ville de Bujumbura, malgré la politique de l'État visant leur réintégration familiale. Ces enfants disent qu'ils sont venus vivre dans la rue à cause de la pauvreté dans leur famille. Et certains de ces enfants avaient regagné les familles avant de retourner dans la rue suite aux problèmes dans les foyers. Fidel d'Antoine Sabimana les a rencontrés. Reportage. Nous sommes à l'avenue de la Grèce, tout près du restaurant Café Gourmand. Je m'entretiens avec des enfants de la rue qui marchent en groupe d'entre 3 et 5 enfants. Ces enfants témoignent qu'ils se sont retrouvés dans la rue pour des raisons différentes. Ils m'ont frappé chaque fois ma cousin le vol. Quand ils préparaient de la viande ou du riz, moi, ils m'ont réservé les patates douces et je dormais ventre vide. Je suis venu dans la rue parce que chez nous, il n'y avait pas à manger. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont rentrés et obligés de retourner dans la rue après l'échec de réintégration familiale. Blaise Doukoundane, l'un de ses enfants. La fratrie de ma mère m'a haïssé et m'a chassé car elle ne voulait pas de moi. Mes oncles maternels nous pourchassent. Mon père déchirait mes cahiers pour la consommation du tabac. Parmi ses enfants, il y a ceux qui s'adonnent aux actes de banditisme, comme le confirme Asman Ramazani, un des enfants de la rue, rencontré à côté du librairie Saint-Paul. Il y a des voleurs, si on est attrapé, on est emprisonné. Il n'y a pas de conseil mutuel, car c'est l'objet des bagarres. Le gouvernement du Burundi avait lancé un projet d'intégration familiale de ses enfants il y a près de 3 ans. Un projet qui n'a pas atteint son objectif. Certains experts en matière de société trouvent que ce programme devrait commencer par la sensibilisation des familles d'accueil pour les faire comprendre l'intérêt de grandir dans une famille chez l'enfant. Fidèle d'Antoine Sabimana. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Innocent Bibonimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.